Nous aurons juste besoin. Nous aurons juste besoin de restaurer le sable pour que les eaux défient l'attention du regard et que les voyageurs amorcent la transhumance. Mais que restera-t-il ?